Elle m'envoie des selfies, pur les carrés. J'ai déjà connu cette vie, puis j'suis navré. J'suis pas dedans et toutes ces filles, j'les ai barrées. J'suis pas dedans et toutes ces filles, j'les ai barrées. Elle m'a vu le premier soir, elle veut se déshabiller. Puis le premier soir, elle veut se démaquiller. Entre mon cœur et mes sables, t'as tout qui est abîmé. Connu dans le sale, elle fait pas du ciné. Me fais pas passer pour un menteur. J'fais partie de ceux qui blessent, donc j'te connais pas, cœur. Me fais pas passer pour un menteur. J'fais partie de ceux qui blessent, donc j'te connais pas, cœur. J'suis dans sa tête comme à la maison. Tu veux mon cœur, c'est pas la saison. J'te donnerai quand j'en aurai besoin. J'te donnerai quand j'en aurai besoin, bébé. En bas du bloc comme à la maison. Elle veut mon cœur, c'est pas la saison. J'lui donnerai quand j'en aurai besoin. J'lui donnerai quand j'en aurai besoin. J'suis pas méchant. J'suis dans le délire, dans le délire. C'est pas méchant, j'suis dans le délire, dans le délire. J'échange, j'suis dans le délire, dans le délire. Meilleur hôtel, j'suis sous cocktail. Tu me fais laquelle, ma belle? J'ai dans mon tel que des modèles. Méchant, j'attends que tu dors, mais j'suis plus là. Méchant, j'suis dans le délire, j'suis dans celui-là. N'échange pas mon number s'il y a problème. Tant pis pour toi, j'y peux rien s'il y a problème. Trop tard pour toi, faudrait pas m'attendre. De façon, j'fais les échanges sur le corner. Me fais pas passer pour un menteur. J'fais partie de ceux qui blessent, donc j'te connais pas, cœur. Me fais pas passer pour un menteur. J'fais partie de ceux qui blessent, donc j'te connais pas, cœur. J'suis dans sa tête comme à la maison. Tu veux mon cœur, c'est pas la saison. J'te donnerai quand j'en aurai besoin. J'te donnerai quand j'en aurai besoin, bébé. En bas du bloc comme à la maison. Elle veut mon cœur, c'est pas la saison. J'lui donnerai quand j'en aurai besoin. J'lui donnerai quand j'en aurai besoin. J'suis pas méchant, j'suis dans le délire, dans le délire. Méchant, j'suis dans le délire, dans le délire. J'suis pas méchant. J'échange, j'suis dans le délire, dans le délire. C'est pas méchant, j'suis dans le délire, dans le délire. J'échange, j'suis dans le délire, dans le délire.